الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد aujourd'hui on va parler inshallah ta'ala de l'imam Mohammed ibn Ismail al-Bukhari, Abu Abdillah, rahimahullah ta'ala. Donc on va parler de sa vie, et pour ce faire, on va se baser sur le livre Hadyus Sari. Hadyus Sari, c'est l'introduction, c'est un gros volume, qui est l'introduction de Fathul Bari, la fameuse interprétation de Sahih al-Bukhari, de l'auteur Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala. Donc à la fin de l'introduction dans Hadyus Sari, il a réservé un passage sur la vie de l'imam al-Bukhari rahimahullah. Donc moi j'ai sélectionné des passages dans cet écrit qu'on va lire aujourd'hui inshallah ta'ala en suivant le tartib, c'est-à-dire l'ordre d'Ibn Hajar dans son livre. Donc Ibn Hajar rahimahullah, quand il a parlé de la vie de l'imam al-Bukhari, il a commencé en disant Vikru nasabihi wa maulidihi wa manshaihi wa mabda'i talabihi lil hadith. Donc il a mentionné son asab, c'est-à-dire son ascendance ou sa généalogie, quand est-ce qu'il est né, comment il a grandi et comment il a commencé à étudier le hadith. Donc il a dit rahimahullah ta'ala huwa Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbah al-Ju'fi ولد يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة 94 ببخارى. قال المستنير بن عتيق أخرج لذلك محمد بن إسماعيل بخط أبيه وجاء ذلك عنه من طرق. Donc il a dit l'imam al-Bukhari c'est Abu Abdillah, donc sa kunya c'était Abu Abdillah, son prénom Muhammad ibn Ismail, donc son père était Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba al-Ju'fi. Donc il est né un vendredi le 13 du mois de Shawwal en l'année 194 de l'Hégire. Donc comme il a rapporté ici qu'un des élèves de l'imam al-Bukhari a dit que al-Bukhari lui avait montré sa date de naissance et son ascendance par papier, et ça a été rapporté par plusieurs voies de transmission de l'imam al-Bukhari rahimahullah, c'est-à-dire sa date de naissance 194 et également son ascendance Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba al-Ju'fi al-Bukhari. Ensuite il a dit plus loin wa kana Bardizba farisiyan ala din qawmihi thumma aslama waladuhu al-Mughira ala yad al-Yaman al-Ju'fi wa ata Bukhara fanusiba ilayhi nisbata wala'in. Donc il a dit Bardizba, donc l'ancêtre de l'imam al-Bukhari était un perse. Bardizba, c'est un prénom perse. Donc c'était un perse et qui pratiquait la religion des perses. Donc un majusi. Donc c'était un perse qui pratiquait la religion des perses, et c'est son fils al-Mughira qu'on a entendu quand on a lu l'ascendance de l'imam al-Bukhari rahimahullah. C'est son fils al-Mughira, donc l'ancêtre de l'imam al-Bukhari qui vient après Bardizba, c'est lui qui s'est converti à l'islam. Il s'est converti par la cause de Al-Yaman al-Ju'fi, qui était à ce moment l'émir de la ville de Bukhara, qui est dans l'actuel Ouzbékistan. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle Al-Ju'fi. Donc on dit l'imam al-Bukhari, quand on a lu son ascendance, on a dit Muhammad ibn Ismail, etc. Et à la fin on a dit Al-Ju'fi. Al-Ju'fi maulahum. Al-Ju'fi, c'est une tribu arabe, alors que l'imam al-Bukhari, il était perse, il n'est pas Ju'fi. Mais on l'appelle Al-Ju'fi parce que son ancêtre s'est converti avec ou par la cause d'un Ju'fi. Donc il est arrivé entre eux ce qu'on appelle Al-Wala, c'est-à-dire tous les droits qui sont habituellement liés à la famille, ils reviennent en ce qui concerne celui qui s'est converti à celui par la cause de qui il s'est converti. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle Al-Ju'fi, mais sinon il n'était pas arabe, c'était un perse, comme l'indique le nom de son ancêtre, Bardizba, et c'est Al-Mughira, le fils de Bardizba, qui s'est converti à l'islam. وأما ولده إبراهيم ابن المغيرة فلم نقف على شيء من أخباره وأما والد محمد فقد ذكر له ترجمة في كتاب الثقات لابن حبان فقال في الطبقة الرابعة إسماعيل بن إبراهيم والد البخاري يروي عن حماد بن زيد ومالك وروى عنه العراقيون. Quant au fils de المغيرة, donc المغيرة, on sait que c'est lui qui s'est converti dans la famille et on n'a pas d'autres informations à ce sujet. Le fils de Al-Mughira, Ibrahim, donc le grand-père de Al-Bukhari, lui non plus, il n'y a rien à son sujet qui a été rapporté. Par contre, le suivant, Ismaïl, qui est le père de l'imam Al-Bukhari, lui, son nom et sa biographie, elles sont citées dans Kitab al-Thiqat de l'imam Ibn Hibban. Ibn Hibban, donc un des imams des gens du hadith, il a un livre qui s'appelle Al-Thiqat, un livre sur Al-Jarh wa Al-Ta'dil, c'est-à-dire où il cite des rapporteurs de hadith qu'il considère comme étant Thiqat, c'est-à-dire comme étant de confiance, comme étant fiable. Et dans ces rapporteurs, il a fait la mention de Ismaïl, le père de l'imam Al-Bukhari. Et il a dit notamment qu'il a rapporté les hadiths de Hammad ibn Zayd et de l'imam Malik. C'est-à-dire que le père de l'imam Al-Bukhari a entendu les hadiths, ou des hadiths, on va dire pour être plus précis, de l'imam Malik. Donc il s'est assis devant l'imam Malik et il a écouté de lui les hadiths, de même que de Hammad ibn Zayd. Et les savants de l'Irak et les étudiants de l'Irak rapportaient des hadiths de Ismaïl. Donc son père Ismaïl était un rapporteur de hadiths, c'est ça qu'on veut dire ici. Et il est connu chez les savants du hadith. ومات إسماعيل ومحمد صغير فنشأ في حجر أمه ثم حج مع أمه وأخيه أحمد وكان أسن منه فأقام هو بمكة مجاورا يطلب العلم ورجع أخوه أحمد إلى بخارى فمات بها فروى غنجار في تاريخ بخارى واللألكاء في شرح السنة في باب كرامات الأولياء أن محمد بن إسماعيل ذهبت عيناه في صغره فرأت والدته الخليل إبراهيم في المنام فقال لها يا هذه قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك. Donc dans ce qu'on raconte dans la vie de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, c'est que son père est mort alors que l'imam al-Bukhari Muhammad était petit. Donc il a grandi orphelin. Ensuite, il a fait le hajj plus tard, bien plus tard, et on va voir qu'il a commencé déjà à étudier avant ça, mais plus tard il a fait le hajj avec sa mère et son frère Ahmed, qui était son frère aîné. Et lui, il est resté à Mecca pour étudier la science, alors que sa mère et son frère, ils sont revenus à Bukhara. Bukhara, donc, je vous répète, qui est dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ouzbékistan, donc en Asie. C'est l'ex-URSS, maintenant c'est l'Ouzbékistan, donc en Asie. Donc son frère et sa mère sont revenus, et son frère Ahmed est mort après ce pèlerinage dans la ville de Bukhara. Et on rapporte, donc avec des chaînes de transmission, que Mohammed ibn Ismaïl, quand il était petit, il était aveugle. Il est devenu aveugle. Et sa mère, elle faisait beaucoup d'invocations et elle a vu Ibrahim, alayhi salam, dans le rêve, dans son sommeil, qui lui a dit, ô toi, Allah azza wa jal a rendu son regard à ton fils parce que tu as fait beaucoup d'invocations. Donc ça, c'est ce qui est rapporté dans la biographie de l'imam al-Bukhari. Wa qala l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب قلت يعني ابن حجر أو تلميذه الوراق وكم أتى عليك إذ ذاك فقال 10 سنين أو أقل ثم خرجت من الكتاب فجعلت أختلف إلى الداخل وغيره فقال يوما فيما كان يقرأ للناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم فقلت إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم فانتهرني فقلت له ارجع إلى الأصل إن كان عندك فدخل فنظر فيه ثم رجع فقال كيف هو يا غلام فقلت هو الزبير وهو ابن عدي عن إبراهيم فأخذ القلم وأصلح كتابه وقال لي صدقت فقال له إنسان ابن كم حين رددت عليه فقال ابن 11 سنة. نقف إلى هنا. Donc aussi l'imam al-Bukhari rahimahullah, en ce qui concerne le début de son histoire et le début de ses études religieuses, il a dit Ulhimtu hifdh al-hadith wa ana fil kuttab. C'est-à-dire, j'ai été inspiré, j'ai eu envie de commencer à mémoriser les hadiths alors que j'étais dans le kuttab. Le kuttab, c'est l'équivalent maintenant de l'école primaire, c'est-à-dire l'école des petits, le kuttab. Donc il a dit, j'ai eu cette envie et je me suis tourné vers le hadith alors que j'étais à l'école primaire. Et son élève qui rapporte l'histoire, il lui a dit, quel âge tu avais à ce moment? Il a dit, j'avais 10 ans. Donc l'imam al-Bukhari a eu cette ambition et cette envie de se tourner vers le hadith à l'âge de 10 ans. Ensuite, l'imam al-Bukhari lui-même, rahimahullah ta'ala, il dit, quand j'ai fini al-Kuttab, donc quand j'ai fini l'école pour les petits, j'allais souvent chez al-Dakhili, donc un cheikh, et autre que lui. Donc il allait chez, il visitait des shuyukh et il s'asseyait chez les shuyukh. Et al-Dakhili, rahimahullah ta'ala, un jour, alors qu'il lisait le hadith pour les gens, donc les hadiths, les gens du hadith, ils les lisaient avec al-Isnad, c'est-à-dire il dit son isnad, sa chaîne de transmetteur jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui al-Dakhili rahimahullah, un jour, qu'est-ce qu'il a dit, comme il l'a rapporté ici, il a dit Soufyan, c'est-à-dire Soufyan a rapporté, Soufyan donc c'est soit Ibn Uyayna ou bien Al-Thawri, An Abi Zubayr. Regardez, suivez précisément, attentivement. Il a dit Soufyan a rapporté de Abu Zubayr, qui a rapporté de Ibrahim. Et l'imam al-Bukhari l'a coupé, il lui a dit Abu Zubayr n'a pas rapporté d'Ibrahim. Tu t'es trompé. Donc le cheikh, il a mal pris et il lui a fait des reproches. Et l'imam al-Bukhari lui a dit retourne à irji' ila al-asl. C'est-à-dire retourne à la base. Parce que devant lui, il avait soit il récitait de mémoire ou alors il avait une copie. Il lui dit retourne au texte original tel que tu l'as écrit si tu l'as encore. Donc le cheikh, il a pris un temps, il est parti, il a vérifié dans son livre. Il est revenu, il a dit à Mohammed, il lui a dit comment tu dis alors? Qu'est-ce que c'est le... C'est quoi la vraie version? Dis-moi. Et il lui a dit c'est Az-Zubayr. C'est-à-dire, c'est pas Abu Zubayr. Abu Zubayr, c'est un autre. Celui qui a rapporté ce hadith d'Ibrahim, c'est Az-Zubayr ibn Adi, qui a rapporté le hadith d'Ibrahim. Vous avez vu la subtilité. Il a capté que Abu Zubayr, il n'y a pas d'Abu Zubayr qui a rapporté du Ibrahim qui est cité dans ce Isned. C'est Az-Zubayr, c'est un autre Rawi, un autre homme qui s'appelle Az-Zubayr ibn Adi. Donc il lui a dit, et le cheikh il lui a dit, c'est effectivement comme tu as dit, et il a corrigé sa copie. Et son élève il lui a dit, quel âge tu avais à ce moment-là? Et il a dit, j'avais 11 ans. Rahimahullah ta'ala. قال فلما طعنت في 16 سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء يعني أصحاب الري. Ensuite il a dit quand j'ai eu l'âge de 16 ans j'ai mémorisé les livres de Abdullah ibn al-Mubarak, c'est-à-dire les livres de hadith de Abdullah ibn al-Mubarak, qui avait écrit plusieurs livres comme par exemple Az-Zuhd, Al-Jihad et d'autres livres dans le hadith, et les livres de Waqi', qui est un des imams du hadith. Et il a dit وَعَرَفْتُ كَلَمْ هَاُولَى, c'est-à-dire qu'il avait déjà étudié le fiqh et il connaissait les paroles de Ahlul Ray, Al-Fuqaha, ceux qui se basent sur Al-Ray dans le fiqh, surtout les gens de l'Irak. Donc il avait mémorisé certains livres de hadith et il avait étudié aussi les paroles des gens du fiqh et Ahlul Ray. Ça c'est à l'âge de 16 ans. قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعْ أُمِّي وَأَخِي إِلَى الْحَجِّ. قلت فكان أول رحلته على هذا سنة عشرة ومئتين. Il a dit, et ensuite, donc c'est seulement après, ensuite j'ai accompli le pèlerinage avec ma mère et mon frère. Donc le cheikh Ibn Hajar qui a fait sa biographie dit, donc ça veut dire que son premier voyage était en l'an 210, donc à l'âge de 16 ans. C'est après l'âge de 16 ans qu'il a voyagé. Alors, jusqu'à ce moment il apprenait chez les chouyours de là où il habitait. وقال الإمام البخاري بعد ذلك رحمه الله تعالى فلما طعنت في 18 سنة صنفت كتاب قضايا الصحابة والتابعين ثم صنفت التاريخ في المدينة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أكتبه في الليالي المقمرة. Ensuite il a dit quand j'ai eu l'âge de 18 ans j'ai écrit le livre Qadaya al-Sahaba wa al-Tabi'in. Donc, c'est-à-dire les jugements ou les fatawas, ce par quoi ont jugé les décrets émis par les Sahaba et les Tabi'in, par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Tabi'in. Et il a dit, j'ai écrit al-Tarikh. Al-Tarikh, c'est le livre al-Tarikh al-Kabir de l'imam al-Bukhari. Dont certains savants disaient, parmi les salafs, ils disaient, si un muhadith connaît 30 000 hadiths, il aura encore besoin du livre al-Tarikh al-Kabir de l'imam al-Bukhari. Donc al-Tarikh al-Kabir, c'est à la fois un livre de hadith et un livre de ilm al-Rijal, c'est-à-dire sur les rapporteurs du hadith. C'est un livre al-Tarikh al-Kabir qui existe, il est édité, il existe. Ishaq ibn Rahawai, qui est un des grands imams de l'islam et un des chouyours de l'imam al-Bukhari, une fois il est parti chez un calife ou un émir et pour lui montrer le livre de l'imam al-Bukhari, al-Tarikh al-Kabir. Et il lui a dit, ya ayyuha al-amir, da'ni urika sihran. Il a dit, oh toi l'émir, laisse-moi, je vais te montrer de la sorcellerie. C'est-à-dire le livre, al-Tarikh al-Kabir, il l'a appelé de la sorcellerie, tellement il était bien fait par l'imam al-Bukhari. Et ça, c'est à l'âge de 18 ans. Et il dit donc qu'il l'a écrit dans la ville de Médine. Et il dit, je l'écrivais pendant les nuits où la lune était éclatante, où la lune donnait de la lumière. وقال البخاري دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين وإلى البصرة أربع مرات وأقمت بالحجاز ستة أعوام ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah dit ensuite par rapport à comment il a étudié, il a dit, je suis entré au Sham, c'est-à-dire en Syrie, en Égypte, dans la ville de Al-Jazira deux fois, dans la ville de Al-Basra en Irak quatre fois. J'ai habité six ans au Hijaz, c'est-à-dire la région de la Mecque et de Médine, et je ne peux même pas compter combien de fois je suis entré dans la ville de Koufa et dans la ville de Bagdad en Irak avec les gens du Hadith. Donc tout ça montre que l'imam al-Bukhari dans sa jeunesse, après l'âge de 16 ans, s'est beaucoup fatigué dans les voyages pour pouvoir écouter les savants du Hadith et récolter les Hadiths et copier les Hadiths. وقال حاشد بن إسماعيل كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام فلمناه بعد 16 يوما فقال قد أكثرتم علي فاعرضوا علي ما كتبتم فأخرجناه فزاد على 15,000 حديث فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. Donc là, c'est un muhaddith qui raconte qu'il s'appelait Hashid ibn Ismail, rahimahullah. Il dit, Al-Bukhari allait avec nous chez les mashayikh, c'est-à-dire chez les savants de la ville de Al-Basra en Irak, alors qu'il était un jeune homme. Donc ça, on sait que c'est à partir de l'âge de 16 ans, donc plus de 16 ans, et il était encore jeune. Et il n'écrivait pas. Donc on imagine la scène, c'est-à-dire que le muhaddith, pour se remettre dans l'époque, le muhaddith, il récite ses hadiths, soit à partir de son livre ou alors c'est son élève qui les lit devant lui avec l'asanid, avec les chaînes de transmission, et tous les élèves qui sont présents, ils écrivent les hadiths pour les récolter. Et lui, il a raconté, Hashid, rahimahullah, il a dit, mais Mohammed, lui, il n'écrivait pas. Il n'écrivait pas les hadiths. Et au bout de 16 jours, où tous les jours, ils allaient écrire les hadiths ensemble, il dit, les autres élèves, c'est-à-dire les camarades, entre guillemets, on l'a blâmé, on lui a fait des reproches. Pourquoi tu n'écris pas les hadiths? Il faut écrire les hadiths. Et il leur a dit, Akthartum alayya. C'est-à-dire, ça fait longtemps que vous me blâmez, montrez-moi un peu ce que vous avez écrit. Il dit, on a sorti nos copies qui contenaient 15 000 hadiths qu'ils avaient écrits en 16 jours. 15 000 hadiths, et il nous les a récités par cœur. Donc, l'imam al-Bukhari, Allah Azza wa Jal, lui a donné quelque chose qu'il a donné à peu de gens. C'est-à-dire qu'il écoutait et il mémorisait 15 000 hadiths avec l'asanid, avec les chaînes de transmission. Et il a dit, Hashid, rahimahullah, il a dit à ce moment-là, pour corriger nos copies, on se basait sur la mémoire de Mohammed. C'est-à-dire pour dire si nos copies, ce qu'on avait écrit, c'était bon ou pas, on prenait comme référence et on revenait à la mémoire, c'est-à-dire à ce qu'avait retenu et ce que disait Mohammed ibn Ismail. وقال أبو بكر ابن أبي عتاب الأعين كتبنا عن محمد بن إسماعيل وهو أمرد على باب محمد بن يوسف الفريابي قلت كان موت الفريابي سنة 12 و200 وكان سن البخاري إذ ذاك نحوا من 18 عاما أو دونها وقال محمد بن الأزهر السجستاني يعني نقف إلى هنا عن autre محدث أبو بكر ابن عتاب الأعين dit nous avons écrit les hadiths lui il a dit عن محمد là il ne parle plus de d'être des collègues. Il dit, on a écrit les hadiths de Muhammad ibn Ismail, c'est-à-dire là, c'est lui qui récite, et nous on écrit. Donc il dit, on a écrit les hadiths que dictait Muhammad ibn Ismail à la porte de Al-Firyabi, c'est-à-dire un muhadith qui était connu. Alors qu'il était amrad, c'est-à-dire il n'avait pas encore de barbe. Muhammad ibn Ismail, il n'avait pas encore de barbe, et on écrivait les hadiths qu'il nous dictait. Et Ibn Hajar dit, or, Al-Firyabi, il est mort en 212. Donc c'est-à-dire qu'Al-Bukhari, à ce moment-là, il avait à peu près 18 ans. Donc à 18 ans, il s'asseyait déjà pour citer les hadiths aux autres. Il était déjà un cheikh et un muhaddith. وقال محمد بن الأزهر السجستاني كنت في مجلس سليمان بن حرب والبخاري معنا يسمع ولا يكتب فقيل لبعضهم ما له لا يكتب فقال يرجع إلى بخارى ويكتب من حفظه. Un autre muhaddith raconte, il dit, on était dans l'assise de Sulayman ibn Harb, un muhaddith, et l'imam al-Bukhari était avec nous, mais lui il écrivait pas. Donc les gens ils ont discuté entre eux, ils ont dit qu'est-ce qu'il a celui-là à ne pas écrire, et d'autres ont répondu qu'ils le connaissaient, ils ont dit il écoute maintenant, et quand il retourne dans son pays à Bukhara, il écrit ce qu'il a retenu. C'est-à-dire, malgré toute cette période qui passe, il retient. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Wa qala Muhammad ibn Abi Hatim, an al-Bukhari, kuntu fi majlis al-Firyabi, fa qal, haddathana Sufyan, an Abi Urwa, an Abi al-Khattab, an Abi Hamza. Fa lam ya'rif ahadun fi al-majlisi man fawqa Sufyan, fa qultu lahum, Abu Urwa, huwa Ma'mar ibn Rashid, wa Abu al-Khattab, huwa Qatada ibn Da'ama, wa Abu Hamza, huwa Anas ibn Malik. قال وكان الثوري فاعولا لذلك يكني المشهورين. Ici, un autre rapporteur a dit, qui s'appelle Muhammad ibn Abi Hatim, Warraq al-Bukhari, il a rapporté de l'imam al-Bukhari lui-même qui disait, on était dans l'assise de Al-Firyabi, donc un muhaddith. Et Al-Firyabi, il a dit une chaîne de transmission à Isnad, il a dit, Soufiane nous a rapporté de Abu Urwa, de Abu Al-Khattab, de Abu Hamza. Donc il n'y a que des quoi? Pour voir si vous suivez, si vous avez compris l'histoire. Il n'y a que des Abu, il n'y a que des Kunya. Au-dessus de Soufiane, il n'y a plus de nom. C'est plus Mohamed Ahmed, c'est Abi Atel, Abi Atel. Donc il a dit tous ceux qui étaient dans l'assise, ils ne savaient pas de quoi il parlait Soufiane. Ou plutôt de quoi il parlait Al-Firyabi. Mais c'est le Cheikh de Al-Firyabi Soufyan, quand il rapportait l'isnad, il a dit que des kunya, Abu Urwa, Abu Al-Khattab, Abu Hamza. Donc Al-Bukhari leur a dit, comme c'est dit ici, Abu Urwa, c'est Ma'mar ibn Rashid. Donc c'est un grand savant, un muhadith connu. Mais sa kunya, elle est moins connue. C'est-à-dire Ma'mar, les gens, généralement, les muhadithis, ils l'appellent Ma'mar. Ils ne l'appellent pas par sa kunya, Abu Urwa. Donc Al-Bukhari leur a dit Abu Urwa c'est Ma'mar ibn Rashid. Après il leur a dit Abu Al-Khattab c'est Qatada ibn Da'ama, un tabi'i. Et Abu Hamza c'est la kunya de qui? Anas ibn Malik. Donc Al-Bukhari a su quels étaient ces personnages qui étaient cachés derrière ces kunya. Et parce que Soufiane al-Thawri, comme il l'a dit ici, il faisait beaucoup ça avec ses élèves. Au lieu de leur dire le isnad tel qu'il est, il leur disait que les kunya des rapporteurs. Des fois c'était pour les exercer à distinguer, et des fois pourquoi les gens du hadith ils faisaient ça entre parenthèses, parfois c'était pour exercer les étudiants à reconnaître les rapporteurs du hadith qu'il y a dans l'isnad, et parfois c'était aussi pour casser la routine. Au lieu de toujours citer les mêmes noms et les mêmes asanides, ils changeaient, au lieu de dire le nom ils disaient la kunya. Ça c'était pour la parenthèse. Thumma qala Ibn Hajar rahimahullah dhikru مراتب مشايخه الذين كتب عنهم وحدث عنهم Ensuite, il a mentionné dans ce passage les chouyours de l'imam al-Bukhari, dont il a écrit les hadiths. Donc nous, on va lire que des petites parties de ça, parce que ce qui nous intéresse, c'est surtout ce qui vient après. Mais pour résumer, il a dit que donc, les tabaqat, c'est-à-dire les différents degrés de chouyour dont l'imam al-Bukhari a écrit les hadiths, la première tabaqa la plus haute, c'est des chouyours qui récitent des hadiths qu'ils ont pris des tabi'in. Donc des chouyours qui faisaient partie de la troisième génération et qui ont entendu des tabi'in. Donc ça, c'est la plus haute génération dont l'imam al-Bukhari a entendu. Ensuite, la génération d'en dessous, c'est des gens qui étaient dans la même génération et le même âge que le degré précédent, mais qui n'ont pas entendu les thiqat parmi les tabi'in. C'est-à-dire, ils ont entendu des tabi'in, mais ce n'étaient pas les tabi'in qui étaient fiables. Et la plupart de leurs hadiths, ils les ont entendus de tab'a tabi'in, des gens de leur propre génération. La troisième tabaqa, al-tabaqa al-wusta, c'est-à-dire la tabaqa intermédiaire, le degré intermédiaire, c'est les chouyours, et la plupart des chouyours de l'imam al-Bukhari, et ce sont des chouyours qui n'ont pas rencontré les tabi'in, mais ils ont pris leurs hadiths de la troisième génération, qui sont tab'a tabi'in, comme par exemple l'imam Malik. C'est-à-dire l'imam Malik fait partie de la troisième génération, et la plupart des chouyours de l'imam Bukhari sont des gens qui ont pris le hadith des gens comme l'imam Malik. Donc il y a une étape entre eux, lui et la génération de l'imam Malik. Donc il a cité ici, donc je vous les cite pour qu'on s'habitue un peu au nom des ulama et au nom des gens du hadith. Par exemple, il y avait Sulayman ibn Harb, Qutayba ibn Sa'id, Nu'aym ibn Hammad, Ali ibn al-Madini, Yahya ibn Ma'in, Ahmed ibn Hanbal. Ahmed ibn Hanbal, c'est qui? C'est l'imam Ahmed. Hein, quand on dit les quatre imams, Ahmed, c'est un d'entre eux. Et Ishaq ibn Rahaway, et aussi Abu Bakr et Uthman ibn Abi Shayba. C'est-à-dire Abu Bakr ibn Abi Shayba et Uthman ibn Abi Shayba, qui étaient deux frères et qui étaient tous les deux des imams dans la science du hadith et des grands savants du hadith. Ensuite, la quatrième tabaqa. Donc là, vous allez comprendre pourquoi je vous ai lu ce passage, parce que vous allez me dire, ce passage-là, pour nous, c'est pas très intéressant. La quatrième tabaqa, quatrième degré de personnes dont l'imam al-Bukhari a écouté les hadiths, c'est ceux qui étaient, comme il a dit ici, rufaqa'uhu fit talab, ceux qui étaient ses propres camarades à lui dans la recherche du hadith. Donc de certains d'entre eux, l'imam al-Bukhari a rapporté des hadiths que lui n'avait pas réussi à avoir de leur chouyour. Donc ce qu'il avait manqué chez son cheikh ou chez certains de ses chouyours, il le rattrapait auprès de des gens qui sont de sa même génération et du même âge que lui et qui ont fait les mêmes voyages et à peu près à la même période que lui. On appelle ça sa tabaqa. C'est-à-dire la tabaqa, c'est-à-dire une période ou une génération entre guillemets de rapporteurs du hadith. Et la cinquième tabaqa, c'est ceux qui sont plus petits que lui et qui font partie de ses élèves. Et l'imam al-Bukhari a quand même rapporté des hadiths de gens qui sont considérés comme étant dans la tabaqa en dessous de lui et comme faisant partie de ses élèves. Et Ibn Hajar, il a dit ici, je vais vous le lire en arabe, وَقَدْ رَوَى عَنْهُمْ أَشْيَاءَ يَسِيرَةً وَعَمِلَ فِي الرِّوَايَةِ عَنْهُمْ بِمَا رَوَى عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ لَا يَكُونُ الرَّجُلُ عَالِمًا حَتَّى يُحَدِّثَ عَمَّنْ هُوَ فَوْقَهُ وَعَمَّنْ هُوَ مِثْلَهُ وَعَمَّنْ هُوَ دُونَهُ. Donc ça, c'est pour montrer la modestie de l'imam al-Bukhari rahimahullah. Pourquoi il a rapporté des hadiths des gens qui sont en dessous de lui, plus petits que lui et qui sont ses élèves? Il a appliqué le conseil de Waqi', qui est un des grands imams du hadith, qui disait: un homme ne sera jamais un muhaddith tant qu'il ne rapporte pas les hadiths de ceux qui sont au-dessus de lui, de ceux qui sont comme lui, c'est-à-dire du même âge que lui, et de ceux qui sont en dessous de lui, plus petits que lui. Donc ça faisait partie de la modestie des savants du hadith, c'est qu'ils n'hésitaient pas à s'asseoir même devant quelqu'un de plus jeune qu'eux, qui arrivait après eux dans la science du hadith, pour peut-être bénéficier des hadiths qu'ils ne connaissent pas auprès de lui. Donc l'imam al-Bukhari, il a fait ça aussi, rahimahullah ta'ala. ثم قال ذكر سيرته وشمائله وزهده وفضائله. Ensuite, il a dit sa biographie. Donc là, il va parler de sa biographie, de ses qualités, son ascétisme et ses mérites. Donc Ibn Hajar ici, il a cité et il a dit قال أحيد ابن حفص دخلت على إسماعيل والد أبي عبد الله عند موته فقال لا أعلم من مال درهما من حرام ولا درهما من شبهة قلت وحكى وراقه أنه ورث من أبيه مالا جليلا وكان يعطيه مضاربة فقطع له غريم 25,000 فقيل له استعن بكتاب الوالي فقال إن أخذت منهم كتابا طمعوا ولن أبيع ديني بدنياي ثم صالح غريمه على أن يعطيه كل شهر 10 دراهم وذهب ذلك المال كله. Donc ça c'est sur certaines qualités de l'imam al-Bukhari. Il dit son propre père Ismaïl, il a dit, ça c'est rapporté par Ahyad ibn Hafs, il a dit quand il allait mourir, j'ai visité Ismaïl, le père de Mohammed, et il a dit je ne connais pas dans tous mes biens et dans tout mon argent une seule pièce de haram et une seule pièce de shubha. C'est-à-dire, il n'y a rien dans mon argent qui vient du haram et il n'y a rien dans tout mon argent que je laisse à ma mort qui est douteux, dans lequel il y a un doute. C'est du halal à 100%, sûr et certain. Et l'imam al-Bukhari, il avait hérité une grande partie d'argent de son père et il en donnait à quelqu'un pour qu'il fasse du commerce pour lui. Al-Mudaraba. C'est-à-dire il donnait à quelqu'un et ce quelqu'un il fait du commerce pour lui et il partage les bénéfices. Et un des gens qui lui devait de l'argent lui devait 25 000 pièces et c'est-à-dire qu'il retardait, il ne lui donnait pas. Donc certaines personnes ils sont venues et lui ont dit « Ista'in bi kitab al-wali » c'est-à-dire « Aide-toi du document, de l'acte que vous avez fait auprès du wali, c'est-à-dire du gouverneur, hein, comme le contrat de la dette entre guillemets ou l'acte de dette pour prouver au gouverneur que lui il te doit 25 000 pour les réclamer. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a dit je crains si je leur demande quelque chose au gouverneur qu'après eux ils espèrent de moi quelque chose et je ne vendrai pas ma religion pour la dunya. C'est-à-dire pour quelque chose pour nous c'est pas extraordinaire d'aller se plaindre, mais il a dit je crains que si je leur demande un service après eux ils vont espérer quelque chose de moi, parce qu'il était un imam et un alim, quelqu'un de reconnu. Donc il a dit moi je ne vendrai pas ma religion pour la dunya. Et après il s'est arrangé lui-même avec ce harim, avec cette personne qui lui devait de l'argent. Wa qala Warraq al-Bukhari Muhammad ibn Abi Hatim sami'tuhu yaqul kharajtu ila Adam ibn Abi Iyas fata'akharat nafaqati hatta ja'altu atanawalu hashish al-ard. فلما كان في اليوم الثالث أتاني رجل لا أعرفه فأعطاني صرة فيها دنانير قال وسمعته يقول كنت أستغل في كل شهر 500 درهم فأنفقها في الطلب وما عند الله خير وأبقى. Donc Al-Bukhari disait également que une fois sa dépense, c'est-à-dire l'argent, son argent qu'on lui devait, était en retard de 3 jours. Donc ça, je ne saurais pas vous l'expliquer qu'est-ce qu'il a voulu dire par là exactement, mais l'argent qui lui revenait, qu'il devait toucher, était en retard de 3 jours. Il dit jusqu'à ce que je me suis retrouvé à manger l'herbe qui était dehors. Donc ça, c'est une situation que a vécu l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Et il disait aussi, au 3e jour de cette situation, un homme que je ne connaissais pas est venu et il m'a donné un récipient rempli de pièces d'or. Et aussi, il disait, chaque jour, je dépensais 500 pièces d'argent dans At-Talab, c'est-à-dire pour les études, dans le chemin d'Allah, et ce qui est auprès d'Allah est meilleur. C'est lui-même qui disait, l'imam al-Bukhari, pour commenter ça, il disait, et ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est meilleur. Donc ça montre comment il considérait l'argent, rahimahullah, et comment il dépensait, fi sabilillah, pour les études, pour Talab al-Ilm. Wa qala Abdullah ibn Muhammad al-Sayarifi, كنت عند محمد بن إسماعيل في منزله فجاءته جاريته وأرادت دخول المنزل فعثرت على محبرة بين يديه فقال لها كيف تمشين فقالت إذا لم يكن طريق فكيف أمشي فبسط يديه وقال اذهبي فقد أعتقتك. Ça fait partie de ces bonnes actions, rahimahullah ta'ala. qui montre aussi sa grandeur d'âme et sa générosité. Donc, une personne qui l'a connu raconte qu'il était un jour auprès de lui, dans sa maison, et l'esclave, la servante de l'imam al-Bukhari, est passée. Et elle a cogné avec son pied un al-mihbara, je ne sais pas comment on dit en français, l'encrier. Voilà. Donc elle a renversé l'encre. Et l'imam al-Bukhari lui a dit, Kaifa tamshin, comment tu marches ? C'est-à-dire, il lui a fait un reproche. Et là, elle lui a dit, mais s'il n'y a pas de place pour que je marche, comment tu veux que je marche ? Et il lui a dit, a'taqtuki, je te libère. Et il l'a affranchi juste pour ça. Pour ce, on ne peut même pas qualifier ça d'incident. Pour cet petit événement qui est arrivé, il l'a affranchi, rahimahullah ta'ala. C'est-à-dire qu'il l'a libéré. Wa qala al-imam al-Bukhari, awla qala warraquhu, rahimahullah ta'ala, wa kana, yani al-imam al-Bukhari, يركب إلى الرمي كثيرا فما أعلم أني رأيت في طول ما صحبته أخطأ سهمه الهدف إلا مرتين بل كان يصيب في كل ذلك ولا يسبق قال وركبنا يوما في إلى الرمي ونحن بفربر فخرجنا إلى الدرب الذي يؤدي إلى الفرضة فجعلنا نرمي فأصاب سهم أبي عبد الله وتد القنطرة التي على النهر فانشق الوتد فلما رأى ذلك نزل عن دبته فأخرج السهم من الوتد وترك الرمي وقال لنا ارجعوا فرجعنا فقال لي يا أبا جعفر لي إليك حاجة وهو يتنفس الصعداء فقلت نعم قال تذهب إلى صاحب القنطرة فتقول إنا أخللنا بالوتد فنحب أن تأذن لنا في إقامة بدله أو تأخذ ثمنه وتجعلنا في حل مما كان منا وكان صاحب القنطرة حميد بن الأخضر فقال لي أبلغ أبا عبد الله السلام وقل له أنت في حل مما كان منك فإن جميع ملكي لك فأبلغته الرسالة فتهلل وجهه وأظهر سرورا كثيرا وقرأ ذلك اليوم للغرباء 500 حديث وتصدق ب300 درهم. Ça c'est une autre histoire que Al-Warraq, c'est-à-dire le scribe Muhammad ibn Hatim, le scribe de l'imam al-Bukhari, raconte. Donc il y a beaucoup des histoires qui sont rapportées ici, qui sont rapportées par cet homme qui s'appelait Muhammad ibn Abi Hatim. Il dit donc, l'imam al-Bukhari partait souvent pour s'exercer à l'arc. Et il était très fort dans ça. Et il dit, tout le temps où j'ai vécu avec lui, je ne l'ai jamais vu rater une cible, sauf deux fois. Et il raconte donc qu'un jour, il y avait un fleuve ou une rivière, et il y avait un pont sur cette rivière. Et l'imam al-Bukhari, il a tiré et il a touché une des cordes qui tient le pont, al-Watad. Et donc, il est descendu, il a délaissé ça et il a demandé à son ami, Abu Ja'far, il lui a dit, j'ai besoin de toi, tu vas me rendre un service. Et il était dans un état, c'est-à-dire il était nerveux, ça n'allait pas pour lui. Hein, il était essoufflé, on va dire, et nerveux, à cause de ce qu'il venait de faire. Et il lui a dit, tu vas voir le propriétaire de ce pont et tu lui dis qu'il nous permette de remplacer ce câble ou alors qu'il prenne le prix. C'est-à-dire on lui paye ce câble qu'on a endommagé avec cette flèche et il nous pardonne. Et l'homme qui était propriétaire de ce pont, c'était un certain Humayd ibn al-Akhdar. Donc quand Abu Ja'far est venu le voir, cet homme qui s'appelait Humayd, le propriétaire du pont, quand il a entendu ça, il lui a dit, dis à Abu Abdillah le salam de ma part et tu lui dis que je lui pardonne et que tout, parce que tous mes biens lui appartiennent, c'est-à-dire par respect envers l'imam al-Bukhari. Et quand il est revenu à l'imam al-Bukhari, il lui a dit ça, il a dit sur son visage on voyait un grand bonheur. Donc regardez comment ces gens-là ils avaient le souci de l'amana. Il a juste endommagé une corde du pont et il a été pris de panique à cause de ça. Nous, on va endommager carrément des rues ou des choses qui appartiennent à la rue et aux gens, ça ne nous fait rien du tout. L'imam al-Bukhari, pour une flèche dans un câble, dans un pont, il aurait pu partir. Il aurait pu dire, comme nous on dit tous, ma'alish, comme c'est la mentalité maintenant, ma'alish. Non, il a descendu, il a envoyé quelqu'un attraper ou aller voir le propriétaire du pont, et quand le propriétaire du pont il a pardonné, ça se voyait sur lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit, ah c'est beau, je l'ai eu, ou c'est bon, il m'a pardonné. Il était heureux, c'est-à-dire il s'est senti dégagé de cette chose et de cette responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour remercier Allah azza wa jal, il a dicté 500 hadiths à des étudiants étrangers pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. par bonheur que cette personne elle l'ait pardonné, et il a donné 300 dirhams à Sadaqa, c'est-à-dire 300 pièces d'argent en aumône aux pauvres. وقال يعني محمد بن أبي حاتم سمعته يقول لأبي معشر الضرير اجعلني في حل يا أبا معشر فقال من أي شيء فقال رويت حديثا يوما فنظرت إليك وقد أعجبت به وأنت تحرك رأسك ويديك فتبسمت من ذلك قال أنت في حل يرحمك الله يا أبا عبد الله. Regardez encore cette taqwa. Il a dit un jour, donc le scribe de l'imam al-Bukhari, il rapporte, il dit j'étais un jour avec l'imam al-Bukhari et il a dit à Abu Ma'shar al-Darir, donc un muhaddith, un étudiant du hadith, il lui a dit pardonne-moi Abu Ma'shar. Et Abu Ma'shar, il a dit mais de quoi est-ce que tu veux que je te pardonne? Il lui a dit parce qu'un jour j'ai rapporté un hadith, c'est-à-dire l'imam al-Bukhari, il raconte, il dit un jour j'ai dicté un hadith et toi tu étais là et j'ai vu que tu as aimé ce hadith. Et ce hadith, tu l'as aimé, il t'a étonné et t'as bougé ta tête et tes mains. C'est-à-dire qu'il a une réaction. Il a montré qu'il était content de ce hadith ou étonné par ce hadith. Il dit, et moi j'ai souri, pardonne-moi. C'est-à-dire parce que il a souri de ce qu'il a fait cet homme. Il dit, pardonne-moi d'avoir souri de ta réaction. Alors qu'il ne s'est même pas encore moqué de lui, il n'a même pas rigolé, il n'a rien dit. Il a seulement souri. Il a dit, pardonne-moi. Et l'autre, bien sûr, il lui a dit, je te pardonne, oh, qu'Allah te fasse miséricorde, ya Abu Abdillah, oh Abu Abdillah. وقال رحمه الله سمعته رحمه الله يقول دعوت ربي مرتين فاستجاب لي يعني في الحال فلن أحب أن أدعو بعد فلعله ينقص حسناتي. Et il disait aussi Muhammad ibn Abi Hatim qu'il a entendu le Bukhari un jour dire j'ai invoqué Allah deux fois et il m'a répondu sur le champ. Donc, je ne veux plus invoquer Allah parce que j'ai peur que ça enlève de mes hasanat. Le fait qu'Allah exauce mes du'as, j'ai peur que ça enlève mes hasanat, donc je ne préfère plus invoquer. Bien sûr, entre parenthèses, ce genre d'histoire de l'imam Bukhari ou des salafs, il ne faut pas les prendre comme des règles générales. Ça remet en aucun cas en doute le fait qu'il faut faire beaucoup de du'as. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé à faire des du'as, et que même si tes du'as sont exaucés, il faut continuer à en faire. Et t'en fais pour nous, inshallah ta'ala. Mais simplement, c'était un hal, c'est sa situation, l'imam Bukhari, c'est ce qu'il a préféré. Mais ça montre sa piété, rahimahullah ta'ala. وقال سمعته يقول لا يكون لي خصم في الآخرة فقلت إن بعض الناس ينقمون عليك التاريخ يقولون فيه اغتياب الناس فقال إنما روينا ذلك رواية ولم نقله من عند أنفسنا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخ العشيرة قال وسمعته يقول ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة حرام. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a dit une fois devant son scribe, Muhammad ibn Abi Hatim, il a dit, Inch'Allah, je n'aurai pas quelqu'un avec qui me un khasm, c'est-à-dire quelqu'un avec qui me disputer au jour du jugement, quelqu'un qui va me réclamer quelque chose. Et Muhammad ibn Abi Hatim, il lui a répondu, il y a certaines personnes qui te reprochent ton livre, At-Tarikh al-Kabir, et ils disent que dedans tu as commis la médisance. Pourquoi? Parce que At-Tarikh Al-Kabir, comme je vous ai dit, c'est un livre dans Ilm al-Rijal, c'est-à-dire un livre qui parle des rapporteurs du hadith. Donc quand il parle des rapporteurs du hadith, l'imam al-Bukhari, il va citer son jugement sur ces rapporteurs, s'il est bon, s'il n'est pas bon, s'il est fiable, s'il n'est pas fiable, etc., etc. Donc certains ont dit dedans il a parlé sur les gens, parce que forcément il y a des choses qui sont mauvaises à dire sur certaines personnes, mais c'est pour défendre l'authenticité de la sunna et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il lui a dit, les gens te reprochent que dans At-Tahrir tu as médit sur les gens. Et il lui a dit, ça, ce que j'ai dit dans At-Tahrir sur les gens, c'est des choses qui nous ont été rapportées et je ne l'ai pas dit de moi-même. C'est-à-dire, j'ai dit ça par rapport aux choses qui ont été rapportées sur ces rapporteurs du hadith. Ce n'est pas des choses que j'ai dit et des jugements que j'ai dit comme ça, sans preuve et sans preuve à l'appui et sans argument. sans me baser sur quoi que ce soit. Et il a dit, et aussi le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, bi'sa akhul ashira. Il fait référence à quel hadith? Le hadith de Aïcha, quand un homme est rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète il lui a bien parlé, il lui a souri, et quand il est parti, il a dit sur lui, bi'sa akhul ashira. C'est-à-dire quel mauvais frère, quel mauvais homme. Donc il a parlé en mal de lui. Ce qui prouve que dans certains domaines de la religion, il est permis de faire ce qui pourrait être en apparence al-riba, c'est-à-dire parler en mal de quelqu'un. Donc lui, il s'est justifié par ce hadith. Donc ce hadith, comme beaucoup d'autres hadiths, c'est une des preuves des gens du hadith pour parler contre les innovateurs ou contre les rapporteurs qui ne sont pas fiables dans le hadith. Donc lui, il s'est justifié par ça. Et il a dit aussi, je n'ai pas parlé sur quelqu'un en mal depuis que j'ai appris que la médisance était haram. مَرْتَبْتُ أَحَدًا قَدْتُ مُنْذُ عَلِمْتُ أَنَّ الْغِبَةَ حَرَامٌ قُلْتُ يعني ابن حجر وللبخاري في كلامه على الرجال توق زائد وتحر بليغ يظهر لمن تأمل كلامه في الجرح والتعديل فإن أكثر ما يقول سكتوا عنه فيه نظر تركوه ونحو هذا وقل أن يقول كذاب أو وضاع وإنما يقول كذبه فلان رماه فلان يعني بالكذب ابن حجر Rahimahullah, celui qui a écrit cette biographie, en commentaire de cette parole, il dit l'imam al-Bukhari, quand il parle dans al-Jarh wa al-Ta'dil, c'est-à-dire quand il fait la critique ou au contraire les éloges des rapporteurs du hadith, il prend énormément de précautions. Comme on dirait, il prend des pincettes, il fait énormément attention à ce qu'il dit. À l'extrême. Donc, comme il a dit ici, par exemple, la plupart du temps, quand il veut da'af, c'est-à-dire qualifier un rapporteur comme étant da'if, comme étant faible, comme étant non valable, comme étant non fiable, il dit sakatu anhu. Et l'expression en arabe sakatu anhu, c'est pas fort. Ça veut dire ils se sont tus sur lui. Donc il dit pas directement da'if, il dit sakatu anhu. Donc même pour qualifier la personne de faible, il utilise des expressions qui sont pas trop, entre guillemets, méchantes. Ou alors il dit fihi navar. Fihi navar, c'est-à-dire cet homme est sujet à discussion. Et quand il dit ça, en fait, ça veut dire que la personne, il faut la délaisser. Que ce rapporteur, il n'est pas fiable. Mais par précaution, de peur de parler en mal sur un musulman, il dit fihi navar. Fihi navar, cette expression, elle n'est pas grave, elle n'est pas forte. Mais il voulait désigner par là quelque chose de grave. C'est-à-dire qu'il fallait délaisser ce rapporteur. Ou alors il disait tarakuhu. C'est-à-dire les savants du hadith l'ont délaissé, sans dire un adjectif sur la personne. Il ne dit pas par exemple faible, mauvais. Hein, il dit tarakou, ils l'ont délaissé, pour exprimer qu'il n'est pas fiable. Il dit également Ibn Hajar, il est très rare que l'imam al-Bukhari dise à propos d'un rapporteur kazzab ou wadda. C'est-à-dire les rapporteurs qui sont connus pour mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour avoir inventé des hadiths. L'imam al-Bukhari, il est rare qu'il les qualifie en disant kazzab wadda. Donc la plupart des gens du hadith, ils disent kazzab, c'est-à-dire un tel, c'était un menteur. Wadda, c'est-à-dire c'est un inventeur de hadith. Et lui, l'imam al-Bukhari, il n'utilisait pas beaucoup ce genre d'expression. Il disait, comme il l'a rapporté ici, kazzabahu fulan. Un tel l'a traité de menteur. C'est-à-dire il assimile cette parole comme quoi un tel est un menteur à celui qui l'a dit. Donc c'est plus léger que de le dire lui-même. C'est comme s'il remet la responsabilité à celui qui l'a dit. Il disait kazzabahu fulan ou ramahu fulan. C'est-à-dire un tel l'a accusé, c'est-à-dire d'être un menteur. Et il ne dit pas directement menteur. Ça montre al-wara, c'est-à-dire la précaution et la piété de l'imam al-Bukhari dans le chapitre de la médisance. Wa qala Abu Bakr ibn Munir. كان محمد بن إسماعيل البخاري ذات يوم يصلي فلسعه الزنبور 17 مرة فلما قضى صلاته قال انظر أي شيء هذا الذي آذاني في صلاتي فنظروا فإذا الزنبور قد ورمه في 17 موضعا ولم يقطع صلاته قلت ورويناها عن محمد بن أبي حاتم والراقي وقال في آخرها كنت في آية فأحببت أن أتمها. Ça, c'est une autre personne qui raconte que l'imam al-Bukhari un jour faisait prier, et il était en train de faire des prières surérogatoires, et une guêpe l'a piqué 17 fois dans son corps. Mais il a quand même continué sa prière. Et à la fin de la prière, il a dit aux gens qui étaient autour de lui, c'est quoi qui m'a fait mal? Et ils ont vu que c'était une guêpe, qui l'avait fait enfler dans 17 endroits de son corps. Mais il n'avait pas coupé sa prière. Et dans une des versions de cette histoire, il a dit, j'étais dans un verset et j'ai pas voulu le couper. J'ai voulu finir la lecture du verset. وقال وراقه رحمه الله كنا بفربر وكان أبو عبد الله يبني رباطا مما يلي بخارى فاجتمع بشر كثير يعينونه على ذلك وكان ينقل اللبن فكنت أقول له يا أبا عبد الله إنك تكفى ذلك فيقول هذا الذي ينفعني. Aussi, toujours son scribe, il rapporte que un jour l'imam al-Bukhari, vers la ville de Bukhara, il a construit un ribat. Un ribat, c'est-à-dire une tour pour faire le guet contre eux, pour surveiller les ennemis. L'imam al-Bukhari lui-même, fils Abilillah, a construit un ribat. Et donc il y a plein de gens qui sont venus l'aider pour construire, et lui-même il était dans les travaux, et il prenait et il portait les briques pour construire le ribat, c'est-à-dire cette tour de guet. Et la personne qui raconte l'histoire, il dit, je lui ai dit, Abu Abdillah, il y a des gens qui le feront à ta place. C'est-à-dire, ne porte pas les... Il voulait lui dire par là, écarte-toi et laisse les gens travailler, ne porte pas les briques. Et il lui a dit, هذا الذي ينفعني. C'est ça qui m'est utile. C'est ça qui me rapporte des bonnes actions. C'est ça qui va me sauver. قال وكان ذبح لهم بقرة فلما أدركت القدور دعا الناس إلى الطعام فكان معه مئة نفس أو أكثر ولم يكن عالما أنه يجتمع ما اجتمع وكنا أخرجنا معه من فربر خبزا بثلاثة دراهم وكان الخبز إذ ذاك خمسة أمنان بدرهم فألقيناه بين أيديهم فأكل جميع من حضر وفضلت أرغفة صالحة. Il a dit, et l'imam al-Bukhari lui-même, il a égorgé une vache pour nourrir les gens qui étaient venus l'aider. Et quand ils ont servi, il s'est rendu compte qu'il y avait plus de 100 personnes. Et lui, il ne s'attendait pas à un tel nombre. Donc ça n'allait pas suffire. Et ils avaient ramené du pain aussi pour accompagner la viande. Et le rapporteur de l'histoire a dit, et finalement, quand on mangeait, il restait encore pas mal de nourriture. C'est-à-dire qu'il y a eu la baraka dans cette aumône qu'il a fait l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Wa qala... وكان قليل الأكل جدا كثير الإحسان إلى الطلبة مفرط الكرم وحكى أبو الحسن يوسف ابن أبي ذر البخاري أن محمد بن إسماعيل مرض فعرضوا ماءه على الأطباء فقالوا إن هذا الماء يشبه ماء بعض أساقفة النصارى فإنهم لا يأتمدون فصدقهم محمد بن إسماعيل وقال لم أتمد منذ 40 سنة. Et le scribe de l'imam al-Bukhari رحمه الله dit, il mangeait très très peu. Et c'était quelqu'un qui était très... Il faisait beaucoup de bonnes actions et de bienfaisance envers les étudiants. Mufrit al-Karam, c'est-à-dire il avait une générosité extrême. Et un autre raconte qu'un jour l'imam al-Bukhari, il est tombé malade. Et donc ils ont pris son urine et ils l'ont montré à des médecins. Et les médecins, ils ont dit son urine, elle ressemble à l'urine de certains moines chrétiens. C'est-à-dire ceux qui s'isolent dans les monastères et qui sont ascètes, etc. Car ils ne mangent rien avec le pain. L'ayatamidoud, c'est-à-dire ils mangent le pain tout seul. Pas de viande avec, pas de légumes avec, ni de sauce, ni rien du tout. Donc ils sont partis voir Mohammed ibn Ismail et ils lui ont dit, qu'en est-il? Et il a dit, c'est vrai, je ne mange que le pain depuis 40 ans. Je ne mange rien avec depuis 40 ans. Après, dans la suite de l'histoire, ils l'ont même encouragé à reprendre de la nourriture, etc. Mais il a refusé. Il a dit, non, je resterai sur cette façon de faire jusqu'à ma mort. Rahimahullah ta'ala. Wa qala Muhammad ibn Ismail idha kana awwal laylatin min shahri Ramadan. Non, en fait c'est pas Muhammad ibn Ismail, c'est Muqsim ibn Sa'd. Parce qu'il y a beaucoup d'asanid et moi les asanid je vous les enlève. Donc des fois les qal et les qil, il faut s'y retrouver. Donc il a dit ici qala Muqsim ibn Sa'd كان محمد بن إسماعيل البخاري إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يستمع إليه أصحابه فيصلي بهم ويقرأ في كل ركعة 20 آية وكذلك إلى أن يختم القرآن وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن فيختم عند السحر في كل 3 ليال وكان يختم بالنهار في كل يوم ختمة ويكون ختمه عند الإفطار كل ليلة ويقول عند كل ختمة دعوة مستجابة. Donc, une autre personne rapporte que quand arrivait le mois de Ramadan, l'imam al-Bukhari rahimahullah se réunissait le soir avec ses camarades pour faire donc les prières, et il priait 13 raka'a, et dans chaque raka'a il récitait 20 versets jusqu'à finir le Coran, et il lisait dans la fin de la nuit entre la moitié et le tiers du Coran, et de cette façon il finissait tous les 3 jours le Coran dans la nuit. Ça c'est dans la nuit, à l'approche, donc au moment du repas à peu près, avant le Fajr, il avait fini le Coran tous les 3 jours. Et il lisait aussi indépendamment, il lisait le Coran une fois tous les jours dans la journée. Et arrivé au moment de manger au Maghreb, il avait fini le Coran et il disait une invocation chaque jour. Et le rapporteur de l'histoire, il dit da'watu mustajaba, c'est-à-dire une dua à laquelle qui lui était à chaque fois exaucé, rahimahullah ta'ala. وقال محمد بن أبي حاتم كان أبو عبد الله إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد إلا في القيد فكنت أراه يقوم في الليلة الواحدة 15 مرة إلى 20 مرة في كل ذلك يأخذ القداحة فيوري نارا بيده ويسرج ويخرج أحاديث فيعلم عليها ثم يضع رأسه فقلت له إنك تحمل على نفسك كل هذا ولا توقظني قال أنت شاب فلا أحب أن أفسد عليك نومك قال وكان يصلي في وقت السحر 13 ركعة ويوتر منها بواحدة قال وكان معه شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فجعله في ملبوسه. Toujours son scribe, il raconte que il accompagnait toujours Al-Bukhari en voyage et il dormait toujours dans la même maison et la même chambre. Il dit, et dans la nuit je le voyais se lever entre 15 et 20 fois. Et à chaque fois quand il se levait, il prenait de quoi faire de la lumière, c'est-à-dire il allumait la lampe, et il écrivait les hadiths, et il mettait, c'est-à-dire il faisait des remarques, etc., etc. C'est-à-dire il écrivait, il s'occupait du hadith. Il dit, une fois je lui ai dit, comment tu t'imposes tout ça et tu ne me réveilles même pas? Et l'imam al-Bukhari lui a dit, toi tu es un jeune et je ne veux pas te priver de ton sommeil. Je ne veux pas te gâcher ton sommeil. Et il priait chaque nuit, à la fin de la nuit, 13 raka'a. Et aussi, il raconte que il lui restait des cheveux. Il avait, l'imam Bukhari, des cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il mettait dans ses vêtements. C'est-à-dire pour la baraka. Car on sait que at-tabarruk, le fait de chercher la baraka, est permis avec al-ajza, c'est-à-dire ce qui vient du corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les cheveux, les poils de la barbe, ou sa salive quand il était vivant, etc., etc. قال وسمعته يقول وقد سئل عن خبر حديث يا أبا فلان تراني أدلس وقد تركت 10,000 حديث لرجل فيه نظر وتركت مثلها أو أكثر منها لغيره لي فيه نظر. Ensuite, un de ses élèves rapporte également que une fois il y a quelqu'un qui lui a posé une question sur un hadith. Mais la façon dont l'histoire est racontée, c'est-à-dire que la personne, elle a mis en doute la parole de l'imam al-Bukhari. Comme s'il avait fait at-tadlis, c'est-à-dire qu'il avait caché quelque chose dans le hadith, dans la chaîne de transmission, un rapporteur ou etc. On appelle ça at-tadlis. Et l'imam al-Bukhari lui a répondu, est-ce que tu crois que moi je vais faire du tadlis? Donc il a dit, est-ce que tu crois que moi je vais faire le tadlis alors que j'ai délaissé 10 000 hadiths d'un tel, c'est-à-dire de tel rapporteur, parce que j'avais un doute sur lui, et à un autre j'en ai laissé autant parce que j'avais un doute sur lui, ou un reproche à lui faire. Il n'y a pas du miel dans le... Du cas, il peut me faire ça, il met du miel dans l'eau. Monsieur Karim n'est pas là, Karim. Sinon je vais devoir arrêter là. En fait, quand je parle, ça me gratte, et au bout d'un moment, je suis obligé d'exploser. Et c'est dur à supporter. Donc on reprend cette histoire. Quand l'homme il lui a fait cette supposition, où il a mis en doute sa parole dans le hadith, il lui a dit, est-ce que tu crois que je vais faire ça, c'est-à-dire que je vais glisser des choses ou cacher des choses dans le hadith, alors qu'un tel rapporteur, j'ai délaissé 10 000 de ses hadiths parce que j'avais un reproche ou un doute à lui faire. Ça, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette parole. Quand il dit alors que j'ai délaissé 10 000 hadiths, il faut voir ce que ça représente. Il faut voir ce que ça représente. À votre avis, je vais vous poser la question pour voir si quelqu'un d'entre vous il a capté. Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit est-ce que tu crois que je vais cacher quelque chose dans le hadith alors qu'un tel, dans les rapporteurs, j'ai délaissé 10 000 de ces hadiths parce que j'avais un doute sur lui. C'est quoi, comment on le comprend ça à votre avis? Déjà, voilà, c'est ça. La première chose, c'est sa précaution dans de la citation des hadiths. De qui il prend les hadiths? Il prenait énormément de précautions. Mais il y a autre chose. C'est ça, je veux voir si vous l'avez capté ou pas. Quelqu'un peut allumer la lumière? Ah, la lumière. C'est qu'en fait, 10 000 hadiths. Les 10 000 hadiths à l'époque, comment il faut pour les avoir? Est-ce qu'il vient comme ça et puis il prend l'étagère, il y a 10 000 hadiths? Ça veut dire que c'est 10 000 hadiths pour lesquels il a voyagé, il s'est assis, il s'est usé, il les a écrits, il les a mémorisés, etc., etc. Donc malgré toute cette fatigue, il les délaisse. Alors qu'il aurait pu les rapporter, il les a récoltés, il peut les rapporter. Mais il les délaisse parce que le rapporteur dont il les a pris, il n'a pas confiance en lui. Donc tous ses efforts, il va les mettre de côté pour protéger le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est comparable à une histoire avec l'imam Abu Abdurrahman al-Nasa'i. Vous connaissez tous al-Nasa'i. Il y a un des savants du hadith qui disait « Qui peut patienter comme l'imam al-Nasa'i ?» Parce qu'il a, je crois, il a dit 10 000 hadiths rapportés par Ibn Lahi'a avec comme intermédiaire Qutayba ibn Sa'id, chapitre par chapitre. C'est-à-dire dans tous les chapitres de la religion, il les a délaissés. C'est-à-dire que Al-Nasa'i, parmi les premiers shuyukh de qui il a rapporté les hadiths, il y a Qutayba ibn Sa'id. Et Qutayba ibn Sa'id rapporte des hadiths de Abdullah ibn Lahi'a. Donc l'imam Al-Nasa'i n'avait qu'un intermédiaire entre lui et Ibn Lahi'a. Et de cette façon, il a rapporté, il avait plutôt récolté plusieurs milliers de hadiths rapportés par ce shir qui s'appelle Ibn Lahi'a. Dans tous les chapitres de la religion. Donc si le but il était que de s'asseoir, de regrouper les élèves et de réciter, il avait moyen de leur ramener des hadiths que eux ils n'arrivaient pas à voir d'Ibn Lahi'a aussi courts, avec une chaîne de transmission aussi courte. Vous avez suivi? Parce qu'il n'y a qu'un intermédiaire entre lui et Ibn Lahi'a. Et bien malgré ça, malgré qu'il avait l'occasion de le faire et qu'il s'est fatigué pour les récolter, il les a délaissés à cause de Ibn Lahi'a. À cause des paroles des savants sur Ibn Lahi'a, parce que selon beaucoup de savants, il n'était pas fiable dans le hadith. Donc imaginez-vous, c'est pas seulement la précaution, il y a la précaution, mais il y a le sacrifice. C'est-à-dire, cette précaution, elle leur faisait sacrifier des heures et peut-être des années de travail, d'assises, de fatigue, de voyage qu'ils ont fait pour récolter des hadiths. Et après les avoir récoltés, il les met encore de côté parce qu'il n'a pas confiance. Imaginez-vous les efforts qu'ils ont fait pour que nous maintenant on puisse lire et pratiquer les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette histoire elle est courte, mais c'est une des histoires dans ce livre qui montre le plus de choses. On va essayer. Il n'y en a pas un qui a da'wa mustajaba, il fait une dua. وقال علي بن محمد بن منصور سمعت أبي يقول كنا في مجلس أبي عبد الله البخاري فرفع إنسان من لحيته قذاة وطرحها إلى الأرض قال فرأيت محمد بن إسماعيل ينظر إليها وإلى الناس فلما غفل الناس رأيته مد يده فرفع القذاة من الأرض فأدخلها في كمه فلما خرج من المسجد رأيته أخرجها وطرحها على الأرض فكأنه صان المسجد عما تصان عنه لحيته رحمه الله تعالى. Un autre élève, un autre cheikh raconte que son père lui a raconté que une fois il était dans l'assise avec Al-Bukhari. Et un homme il a sorti une saleté, par exemple une miette ou quelque chose comme ça, de sa barbe et il l'a jeté par terre. Et l'imam al-Bukhari, celui qui raconte l'histoire, il dit, j'ai vu que l'imam al-Bukhari, il a vu ça, et il n'arrêtait pas de regarder cette poussière ou cette miette que la personne elle avait jetée, le sabbat, et il regardait les gens. Il regardait la miette et il regardait les gens. Et quand il a vu que les gens ne faisaient plus attention à lui, il a pris la miette et il l'a mise dans sa manche. Et il est sorti de la mosquée, il l'a pris, il l'a jeté. Donc il a dit, il protégeait la mosquée, il purifiait la mosquée de ce dont l'autre protégeait sa barbe et nettoyait sa barbe. Rahimahullah ta'ala. Ensuite, il a cité quelques vers de poèmes qui ont été rapportés de l'imam al-Bukhari, donc je vais les lire comme je peux parce que ce n'est pas évident. Il a dit, Irtanim fil farari. فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة كم صحيح رأيت في غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فدة. Il disait, rahimahullah, profite dans ton temps libre de rajouter des inclinaisons, c'est-à-dire de faire des prières, car peut-être que ta mort va venir par surprise. Combien j'ai vu de personnes en bonne santé qui n'étaient pas malades et dont l'âme est partie en bonne santé d'un seul coup. Donc ça, c'est ce chapitre, il est fini sur les qualités et la piété de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ensuite il a dit dhikru thana'i an-nasi alayhi wa ta'zimihim lahu. Ensuite il a mentionné ici les éloges que les gens ont fait à l'imam al-Bukhari et comment ils le vénéraient. Donc entre parenthèses, il n'y a pas longtemps il y a un frère qui m'a appris que le mot vénérer peut se dire dans le sens faire des éloges à quelqu'un, donc il ne veut pas forcément dire adorer. C'est pour ça qu'à partir de maintenant vous m'entendrez dire dans certains cours il le vénérait en parlant d'une personne, ça ne veut pas dire il l'adorait, ça veut dire simplement qu'il lui faisait des éloges et il le mettait à une grande place. Donc on va lire certains passages. Ibn Hajar ici, dans les éloges des gens sur Al-Bukhari, il a cité énormément de citations. Et il a commencé par les shuyukh de l'imam Al-Bukhari qui lui ont fait ses éloges. Donc moi j'ai sélectionné certaines de ses paroles qui sont les plus expressives et je n'ai pas tout pris, sinon ça serait trop long. Donc là il a cité premièrement une parole de l'imam al-Bukhari. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال لي ابن أبي أويس انظر في كتبي وجميع ما أملك لك وأنا شاكر لك أبدا ما دمت حيا. Un de ses chouyouch, Ibn Abi Uwais, il lui a dit, regarde dans mes livres et tout ce que je possède je te le donne et je te suis reconnaissant éternellement. Donc son cheikh, il lui dit, regarde dans mes livres. Dans mes livres, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire par mes livres? C'est-à-dire tous les hadiths que lui-même a récoltés et a copiés. Regarde dedans, c'est-à-dire pour me dire ce qu'il y a de bon dedans et ce qu'il y a de mauvais, ou s'il y a des fautes dans l'écriture, etc. Et je te suis reconnaissant éternellement. وقال حاشد بن إسماعيل قال لي أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري محمد بن إسماعيل أفقه عندنا وأبصر بالحديث من أحمد بن حنبل فقال له رجل من جلسائه جاوزت الحد. فقال له أبو مصعب لو أدركت مالكا ونظرت إلى وجهه ووجه محمد بن إسماعيل لقلت كلاهما واحد في الحديث والفقه. Donc là c'est un élève de Abu Mus'ab al-Zuhri, l'imam, qui dit qu'une fois Abu Mus'ab al-Zuhri a dit, pour nous, c'est-à-dire je considère que l'imam al-Bukhari est au-dessus de l'imam Ahmed dans le hadith et dans le fiqh. Donc cette parole elle a son poids, c'est quelque chose d'énorme de dire ça. Et une des personnes qui était présente elle a dit jawazt al-had, là t'as été trop loin, t'as dépassé la limite. Et il lui a répondu, si tu avais vu le visage de l'imam Malik et le visage de l'imam al-Bukhari, tu aurais su que tous les deux sont égaux dans le fiqh et dans le hadith. C'est-à-dire qu'il le mettait au grade de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Wa qala Qutaybah ibn Sa'id jalastu al-fuqaha'a waz-zuhada wal-'ubbad fama ra'aytu mundhu 'aqiltu mithla Muhammad ibn Isma'il wa huwa fi zamanihi ka'Umar fi as-sahaba. Qutaybah ibn Sa'id, un des shuyukh de l'imam al-Bukhari et des auteurs des six livres des Sunan, il a dit, je me suis assis avec les fuqaha, avec les savants du fiqh, je me suis assis avec les ascètes, avec les ubbad, c'est-à-dire avec ceux qui adorent beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala, les vertueux. Et depuis que je me rappelle, je n'ai jamais vu quelqu'un comme Muhammad ibn Ismail, et il est pour les gens de son époque comme Omar ibn al-Khattab était dans les Sahaba, radiallahu anhu. Ça c'est son cheikh, Qutayba ibn Sa'id. Wa qala Ya'qub ibn Ibrahim al-Dawraqi wa Nu'aym ibn Muhammad al-Khuzai, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari faqih hadhihi al-umma. Wa qala Bandar Muhammad ibn Bashar huwa afqah khalqi Allah fi zamanina. Ça ces paroles je les ai sélectionnées pour vous montrer que l'imam al-Bukhari en vérité chez les gens de son époque il n'était pas seulement connu pour le hadith, il était autant connu pour le fiqh que pour le hadith, alors que pour les gens qui ont vécu plus tard comme nous maintenant on connaît surtout l'imam al-Bukhari pour le hadith, et pour le fiqh on connaît plutôt Malik et al-Shafi'i, Abu Hanifa, Ahmed rahimahumullah ajma'in. Mais en fait à son époque al-Bukhari était considéré par ses contemporains comme ou même mieux que les autres dans le fiqh comme c'était le cas pour le hadith. Donc là ils ont rapporté de Ya'qub ibn Ibrahim al-Dawraqi et Nu'aym ibn Muhammad al-Khuzai. Donc parmi les grands ulama du hadith, ils ont dit Muhammad ibn Ismail est le faqih de cette umma. C'est le savant du fiqh de cette communauté. Et Bandar, donc Muhammad ibn Bashar, un des shuyukh également de l'imam al-Bukhari, il disait huwa afqahu khalqillah fi zamanina. C'est la, parmi les créatures d'Allah celle qui a le plus de fiqh dans notre époque-ci. Wa qala al-Bukhari rahimahullah dakhaltu 'ala al-Humaydi wa ana ibn 18 sanatan يعني أول سنة حج فإذا بينه وبين آخر اختلاف في حديث فلما بصر بي قال جاء من يفصل بيننا فعرض علي الخصومة فقضيت للحميد وكان الحق معه. البخاري lui-même raconte une fois il était assis avec Abu Bakr al-Humaydi qui était un des imams de l'islam et de Al-Sunna wa Jama'a et un des shuyukh de l'imam al-Bukhari. Le premier hadith qu'on trouve dans Sahih al-Bukhari An al-Humaydi, c'est il le rapporte de al-Humaydi. Il a dit donc qu'il était avec al-Humaydi et une autre personne a contredit al-Humaydi et ils sont rentrés en discussion à propos d'un hadith. Et al-Bukhari était présent et il avait 18 ans. Et al-Humaydi l'a pris pour juge. Il s'est tourné vers lui. Tous les deux se sont tournés vers lui et ils lui ont dit tranche entre nous et juge entre nous. Et ils lui ont exposé leurs divergences. Et il a montré que c'était Al-Humaydi qui avait raison. Il a dit j'ai tranché en faveur de lui et c'était lui qui avait raison. Mais ça montre que ceux qui l'avaient précédé dans la science et dans l'âge le prenaient comme référence. Wa qala al-Bukhari qala li Muhammad ibn Salam al-Baykandi unzur fi kutubi fama wajadta fiha min khata'in fadrib alayhi. فقال له بعض أصحابه من هذا الفتى فقال هذا الذي ليس مثله وكان محمد بن سلام المذكور يقول كلما دخل علي محمد بن إسماعيل تحيرت ولا أزال خائفا منه يعني يخشى أن يخطئ بحضرته. Là c'est un autre cheikh Muhammad ibn Salam al-Baykandi qui a dit à l'imam al-Bukhari regarde dans mes livres et ce que tu y trouves comme erreur corrige-la. C'est un de ses shuyukh, la génération qui l'a précédé, qui lui dit prends mes copies et corrige les erreurs que tu trouves dedans. Et certaines personnes, quand ils ont entendu ça, ils ont dit à Al-Baykandi, ils lui ont dit c'est qui ce jeune à qui tu dis ça? Et il a dit هذا الذي ليس مثله يعني لا يوجد مثله. Il a dit ça c'est celui dont il n'existe aucun semblable, c'est celui comme qui il n'y a personne. Et également il disait, ce cheikh Muhammad ibn Salam al-Baykandi, il disait quand Muhammad ibn Ismail rentre, c'est-à-dire dans l'assise, il dit je suis troublé par sa présence et j'ai peur. C'est-à-dire il m'inspire de la peur, j'ai peur de me tromper dans le hadith quand il est là. Parce qu'il connaît la science et la perfection de l'imam al-Bukhari dans le hadith. Wa qala Hashid ibn Ismail رأيت إسحاق بن راهوي جالسا على المنبر والبخاري جالس معه وإسحاق يحدث فمر بحديث فأنكره محمد فرجع إسحاق إلى قوله وقال يا معشار أصحاب الحديث انظروا إلى هذا الشاب واكتبوا عنه فإنه لو كان في زمن الحسن ابن أبي الحسن البصري لاحتاج إليه لمعرفته في الحديث والفقه. Toujours Hashid ibn Ismail, il raconte qu'une fois il était dans l'assise de Ishaq ibn Rahawai. Qui est Ishaq ibn Rahawai? Ishaq ibn Rahawai, c'est un des imams de la Sunna et du Hadith de la génération de Ahmed ibn Hanbal. Et c'était même son ami et son camarade. Et l'imam Ahmed disait Ishaq imamun min a'immatil muslimin. L'imam Ahmed disait qu'Ishaq est un imam parmi les imams des musulmans. C'est lui dont la fameuse parole de l'imam Ahmed a été rapportée. Quand ils lui ont dit qu'est-ce que tu penses d'Ishaq, et ils lui ont dit c'est à Ishaq qu'il faut demander qu'est-ce qu'il pense de moi. Ça c'est Ishaq ibn Rahawi. Donc Ishaq il était assis sur le minbar et il récitait les hadiths. Et Al-Bukhari il l'a repris dans un hadith. Donc il lui a dit qu'il s'était trompé. Et Ishaq l'a écouté et est revenu à ce qu'a dit Al-Bukhari. C'est-à-dire il a écouté la correction que lui a fait Al-Bukhari qui était assis en tant qu'élève. Et après il a regardé tous les gens, il a dit Ya ma'shara ashab al-hadith, oh vous les gens du hadith, prenez de ce jeune homme. Car s'il vivait à l'époque de l'Hassan al-Basri, Al-Hassan al-Basri aurait eu besoin de lui, tellement il connaît le hadith et il connaît le fiqh. Et ça c'est quand on connaît la place de Al-Hassan al-Basri en tant qu'imam dans la génération des tabi'in. وقال أبو بكر المديني كنا يوما عند إسحاق بن راهوي ومحمد بن إسماعيل حاضر فمر إسحاق بحديث ودن صاحبيه عطاء الكنجاراني فقال له إسحاق يا أبا عبد الله إيش هي كنجاران قال قرية باليمن كان معاوية بعث هذا الرجل الصحابي إلى اليمن فسمع منه عطاء هذا حديثين فقال له إسحاق يا أبا عبد الله كأنك شهدت القول. Donc une autre histoire avec Ishaq, il était en train de réciter des hadiths et la personne qui était juste avant le compagnon dans la chaîne de transmission, il s'appelait Ata al-Kanjarani. Sa nisba, c'est-à-dire sa ville, c'était Kanjaran, ou sa tribu ou son pays, on ne sait pas. Donc Ishaq qui était le cheikh, il s'est tourné vers Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Et lui a dit, Ya Aba Abdillah, c'est quoi Kanjaran? C'est-à-dire, l'homme il s'appelle Ata al-Kanjarani. Mais c'est quoi Kanjarani? Quand on dit Bukhari, ça vient de Bukhara, la ville de Bukhara. Mais Kanjarani, c'est quoi? Alors il lui a dit, c'est quoi Kanjarani? Et Mohammed ibn Ismail il lui a répondu, Kanjaran, c'est un village du Yémen. Quand Muawiyah était calife, il a envoyé tel sahabi, c'est-à-dire le sahabi qui était présent dans la chaîne de transmission, au Yémen, et ce Ata al-Kanjarani a entendu de lui deux hadiths. C'est-à-dire il lui a sorti le complet, quoi. Il lui a fait un détail complet de la situation. Qui est le sahabi, qui l'a envoyé là-bas, c'est quoi sa ville, Kanjaran la ville, etc. Et qu'en plus, ce fameux Ata, il a entendu deux hadiths de lui précisément. Alors Ishaq lui a dit, Ya Aba Abdillah, on dirait que t'as vécu avec eux. Ka'annaka shahid talqaw. On dirait que tu les as vus et que tu as vécu avec eux. Ça montre sa connaissance, pas seulement des hadiths en eux-mêmes, mais des rijal, c'est-à-dire des hommes du hadith, des hommes qui composent les chaînes de transmission du hadith. وقال فتح بن نوح النيسابوري أتيت علي بن المديني فرأيت محمد بن إسماعيل جالسا عن يمينه وكان إذا حدث التفت إليه مهابة له وقال البخاري ما استسخرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني وربما كنت أغرب عليه وقال حامد بن أحمد فذكر هذا الكلام لعلي بن المديني فقال لي دع قوله هو ما رأى مثل نفسه. Ça c'est des histoires qui tournent autour de Bukhari et Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini, qui est-il? Amir al-Mu'minin fil hadith, un cheikh de la génération de l'imam Ahmed, un des plus grands savants, si ce n'est le plus grand savant de sa génération dans le hadith, et surtout en ce qui concerne al-Rijal, c'est-à-dire les hommes et les rapporteurs du hadith, et al-Jarhu wa al-Ta'dil, la critique et l'éloge des rapporteurs du hadith. Ça c'est Ali ibn al-Madini, un grand imam du hadith. Donc un homme raconte, Fath ibn Nuh, il dit j'étais dans l'assise avec Ali ibn al-Madini et Muhammad ibn Ismail était assis à sa droite, et à chaque fois que Ali disait un hadith, il jetait un œil à Muhammad par peur de lui. C'est-à-dire il avait peur de Al-Bukhari. Il a peur de se tromper parce qu'il connaît la force et l'exactitude de Al-Bukhari dans le hadith. Ça c'est qui? C'est Ali ibn al-Madini. C'est-à-dire c'est le sommet de la montagne, la pointe de la montagne dans le hadith, c'est Ali ibn al-Madini. Et lui, il a peur de Al-Bukhari, il le regarde quand il dit des hadiths. Et Al-Bukhari raconte, il disait lui-même, je ne me suis jamais senti petit devant quelqu'un, sauf devant Ali ibn al-Madini. Et celui qui raconte l'histoire, il dit, on a été voir Ali ibn al-Madini, on lui a dit ça, on lui a dit, Al-Bukhari, il a dit ça sur toi. Et il a dit, ne faites pas attention à ce qu'il a dit. En vérité, il n'a jamais vu quelqu'un de semblable à lui. Et aussi, Al-Bukhari, malgré qu'il a dit ça, il a dit, wa kuntu ughribu alayh. Il a dit, mais malgré ça, parfois je récitais des hadiths devant lui que lui ne connaissait pas. وقال البخاري ذكرني أصحاب عمرو ابن علي الفلاس بحديث فقلت لا أعرفه فسروا بذلك وصاروا إلى عمرو ابن علي فقالوا له ذكرنا محمد بن إسماعيل بحديث فلم يعرفه فقال عمرو بن علي حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث. البخاري lui-même رحمه الله raconte, il dit j'étais avec des élèves de Amr ibn Ali al-Fallas. Amr ibn Ali al-Fallas, c'est un des chouyoukhs au-dessus de la génération de l'imam al-Bukhari. Et c'est un des imams de Al-Jarh wa Ta'dil. C'est-à-dire, dans la critique des rapporteurs, sa parole, elle compte. Il fait partie des imams dont la parole compte. Amr ibn Ali al-Fallas. Donc al-Bukhari raconte qu'il était avec certains de ses élèves. Et l'un d'entre eux a dit un hadith. Et al-Bukhari, il a dit, la a'rifu, je ne connais pas ce hadith. Et tous ils étaient heureux, ils ont été réjouis, parce qu'il faut comprendre la mentalité de Ahlul Hadith dans ces époques là c'est qu'ils étaient en concurrence les uns avec les autres pour connaître les hadiths que l'autre ne connaît pas. Quand il se rend compte qu'il connaît un hadith que l'autre ne connaît pas, il est content parce qu'il a réussi à acquérir un hadith que les autres ils n'ont pas connu, une science que les autres n'ont pas connue. Donc avec Al-Bukhari la joie elle est doublée. Donc ils lui disent un hadith et lui dit je le connais pas. Donc ils étaient heureux et ils sont partis voir Amr ibn Ali. Ils lui ont dit on a révisé les hadiths avec Al-Bukhari et on lui a dit un hadith qu'il ne connaissait pas. Il leur a répondu un hadith que Muhammad ibn Ismail ne connaît pas, c'est pas un hadith. Rahimahullah ta'ala. Ça c'est en ce qui concerne le passage sur les éloges de ses chouyours ou de la génération de ses chouyours. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une pause et on finit? Parce qu'il reste encore... En fait, si je vous dis ce qu'il reste, il reste les éloges des gens de sa génération et de ses élèves. Et après, il reste toutes des histoires qui montrent sa mémoire, même si on en a déjà vu, mais d'autres un peu plus précises qui montrent la mémoire et la force de Al-Bukhari. Et aussi la fin de sa vie. Et qui parle un peu de son livre As-Sahih. Donc si vous voulez, on fait une pause 10 minutes. On finit. Ou sinon, on repousse à dimanche prochain. On repousse. Une pause. Qui c'est qui veut une pause? Levez la main pour voir. Ouais, donc, vous voulez entendre la fin. On fait une petite pause, Inch'Allah, à 40, on reprend. Barakallahu fikoum.